J'avais voulu gagner du fric. J'avais voulu tout bousiller. J'avais voulu faire ce que vous vouliez. Venez pas vous plaindre si la machine a cassé. Vous avez voulu gagner du fric, tout bousiller, faire ce que vous vouliez. Mais ne pas vous plaindre, c'est la machine à casser. C'est la machine à casser.